Merci les dieux qui me donnent une âme invincible et fière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Certains PD me disent c'est mort, mais bon t'inquiète, je ressuscite. Un petit cachet de LSD, je tisse dans le verre, la réussite. À l'intérieur de la discothèque, j'ai réussi à me serrer la chance. Je l'ai ramené dans les toilettes et j'ai dit maintenant vas-y danse. T'es à la bouche, gros son de fou, c'est là que j'ai aperçu l'espoir. J'ai dit putain, mon t'étais où? Ça fait 5 ans que je t'attends à boire. Je retourne m'asseoir à la table et je vois cette garde me trahir. J'ai dit c'est bon, vas-y rabat, je reste des traces sur les narines. Je vais dans la salle, ambiance funky et je revois mon ami Hemi. J'ai dit ma gueule, t'es le bienvenu, le sac fait péter la oui. Dans un gros nuage de fumée, viens nous rejoindre le bois. L'ambiance est bonne et parfumée. Il nous dit qu'est-ce que vous faites là? Putain, je suis complètement fracasse. C'est l'heure de rentrer au check-in pour motiver un whisky glace. Et dans ma tête, c'est le bon son. Une fois sorti de la disco, je me dirige droit vers la centrale avec un thé de Marocco, histoire de m'approcher des étoiles. En titubant, je vais sous le local. Je suis sous l'emprise de la défense. À la main, un whisky coca. Ferme les yeux, je revois mon enfance. Toutes ces journées bousillées. Venir pas croire que ça allait payer pour une poignée de billets. J'ai vu ma jeunesse fusillée. Détenu, détenu, donc mentalement je me réveille. Prévenu, prévenu, ce sera pire que la veille. Revenu, revenu, car c'est le jour de la veille. Bienvenue, bienvenue dans le pays des merveilles. L'avenue, l'avenue, on a baisé l'oseille. Dans le menu, un quadraclé la bouteille.